Bonjour chers auditeurs des Pas-de-Calais. Alors aujourd'hui nous sommes de retour des États-Unis pour avoir vu en avant-première le chef-d'œuvre cinématographique de Godzilla vs Kong. Et oui, ce film qui s'inscrit dans la continuité du MonsterVerse, hein, cher Teddy. Comme on se souvient qu'il y a eu le Godzilla en 2014 de Gareth Edwards, ensuite le Kong Skull Island de Jordan Vogt-Roberts en 2017, et le dernier là, c'est le Godzilla Roi des Monstres, donc réalisé par Michael Dougherty en 2019. Donc on est en 2021 et effectivement, ça serait un peu dans le cycle, on va dire, de la Toho, hein, c'est de faire un petit peu du remake. Et c'est vrai que la première version était sortie en 1965, si je ne m'abuse. Moi, j'en dis 1954. Je sais pas, parce que 54, c'est le Godzilla original. Mais le Godzilla versus Kong. Ah non, 1960. Fantastique chef-d'œuvre, très très mal connu du cinéma occidental, faut aller le voir. Est-ce que tu veux, déjà pour une première approche, est-ce que tu veux toucher en premier mot de cette ancienne version avec des beaux costumes qui sont bien faits? Ouais, bah pour ceux qui ont la possibilité d'écouter nos anciens podcasts audio, j'avais déjà fait une rétrospective du Godzillaverse, on va dire. C'est ça. Et là, en fait, Kong versus Godzilla, donc de 1964 de mémoire. Un combat dantesque entre deux monstres en plastique et un mec qui arrête pas de remettre son masque en plein combat. C'est un peu le syndrome un peu Spectreman, tu vois, les mecs en caoutchouc, quoi. Ouais, ça fait carrément un syndrome, comme tu dis, Spectreman ou Sankukai, tu vois. Ouais. C'était encore pire, Sankukai. Tu parles de Slimane, qui était le singe qui accompagnait les deux héros, si je me souviens bien. Ouais, et le mec, il arrêtait pas de remettre son masque parce qu'il arrêtait pas de tomber. Et en fait, dans Godzilla vs Kong, t'as l'impression que... C'est pareil, quoi. Enfin, les moyens ne suivaient pas, quoi. Ah, les moyens ne suivaient pas. Puis même l'attaque spéciale de Godzilla qui consiste à se mettre les deux pieds en avant et par lévitation, il va taper dans le torse à Kong. Je sais pas, il prenait pas appui sur sa queue au moins, un truc comme ça. Ah, comme Rocco, exactement. Donc, King Kong contre Godzilla de Ichiro Honda, bien sûr. Je te confirme que ça a été fait en 1962. Pour la confirmation. Donc leur devise, c'était more monster, more cash. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient racheté les droits de King Kong pour faire un film avec plus de cash en mettant un Godzilla avec un King Kong. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette optique quand on voit les quatre films déjà de faire du pognon avec des vieilles licences, quoi? Oh, ben non, mais même c'est exactement la même politique que ce que je viens d'annoncer. C'est-à-dire que là, ils ont mis Kong parce que Skull Island a fait un bon chiffre. Et du coup, Godzilla a fait un bon, Roi des Monstres a fait un bon chiffre aussi. Ils ont dû se dire, bon, on va mettre les deux monstres pour se foutre sur la gueule, ça va faire plus de cash. C'est exactement la même politique. En cours de route, on va dévoiler quelques spoilers en disant qu'il y en a un important vers la fin du film, mais ça, on va faire une partie qui est non-spoiler pour l'instant. Donc, je reviens aussi sur la fiche technique. Je suis très fiche technique aussi, moi, des fois. Donc, on a un film qui est réalisé par Adam Wingard. C'est un réalisateur qui a fait quelques films d'horreur. Il a fait d'ailleurs le remake de Blair Witch, donc je te parlais l'autre jour, là. C'est l'exploration urbex. Ouais, le premier film qui avait bien marché en found footage. C'est ça. Avec un des meilleurs taux de rentabilité du cinéma. C'est ça, c'est vraiment... au niveau cash, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux pour rentabiliser le truc. Hein. Ouais, quelques dizaines de milliers de dollars, je crois, que ça leur avait coûté à la production. Mais ça leur a apporté quelques centaines de millions, je crois. Dans le truc, mais de toute façon, Blair Witch fera certainement partie de ce que j'appelle le trouillomètre. Le trouillomètre spécial, les Pas-de-Calais, sachant que moi, je l'ai à zéro. De C'est un petit peu un concept qu'on aimerait bien développer, voilà, pour un petit peu faire du teasing, hein, quelque part. Et je vois qu'il a fait un remake live de Death Note. Tu connais Death Note? C'est lui qui a fait le remake sur Netflix. Ouais, c'est ça. Bah, c'est de la merde. C'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Bon. Donc, voilà. Le pire, c'est qu'ils vont en faire une suite, apparemment, alors que tout le monde a détesté ce film. Pourtant, Death Note, qui est un excellent manga, Netflix, ça, je peux vous conseiller. Faut avouer que Netflix, des fois, il jette l'argent par la fenêtre, hein, parce que lui, il faut du contenu, donc ils prennent n'importe quoi. Bon, ils s'en foutent, Netflix, c'est nous qu'on paye. Voilà, quoi, pour un petit peu pour Adam Wingard, puis je vais explorer un petit peu les acteurs, quoi. Alors on retrouve déjà Millie Bobby Brown et Kyle Chandler, qui étaient déjà dans le précédent. C'est vrai qu'ils étaient déjà dans King of Monsters, donc celui dont la femme a créé l'Orca, donc rien à voir avec Star Trek. C'est vrai, l'Orca, ouais. Et donc la petite fille qui revient, qui a grandi un petit peu. Ça se passe 3 ans après, je crois, hein, de mémoire. Je sais plus. Et ouais, parce que Godzilla est pas attaqué depuis 3 ans, et puis là il se met à attaquer, donc je pense que ça se passe 3 ans après. Et puis ils ont tous bien grandi, puis ouais, j'ai pas trop envie de dévoiler l'intrigue, donc je vais juste dire et puis. Je vais finir un peu le casting. On a aussi Alexander Skarsgård, bon, qui a joué Tarzan, mais qui a fait d'autres rôles, notamment une série d'horreur qui s'appelait avec des vampires, je ne sais plus le nom de la série. On a aussi Rebecca Hall, qui est une actrice assez connue. Puis après, tous les seconds rôles, je vais pas les citer non plus. Par contre, Millie Bobby Brown est accompagnée de Julian Tennison, qu'on a vu, je sais, je, sais plus dans quel film d'ailleurs lui. Je me demande si c'était pas lui qui était le jeune avec le jeune qui était avec Deadpool dans le numéro 2, tu sais. Ouais, j'ai pas vu de ressemblance. Après moi le problème c'est que quand on me dit des fois les noms, bah je retiens pas du tout, mais par contre si on me dit c'est celui qui a tourné dans quelque chose, ouais, ça passe mieux. C'est peut-être lui, mais j'ai un vague souvenir en fait, voilà quoi. De toute façon la tête d'affiche dans le film c'est celle qui s'occupe de Kong, je sais plus le nom de l'actrice, et la petite fille bien sûr, Rebecca Hall, ouais. Ouais, et Billy Bobby Brown, c'est tout. Donc on va passer à notre avis sans spoiler tout pour l'instant, Teddy, si tu veux bien. On va essayer de pas trop spoiler, bon, sachant que de toute façon, je veux dire, moi dans la bande annonce ça spoil déjà à mort. Hein. C'est vrai que j'ai trouvé que comme toi que il y avait pas mal de scènes, notamment cette scène où ils se battent sur le porte-avions. On a quasiment tous les plans sur dans le trailer quoi. Ah, tous les plans de baston, ouais, ils sont dans le trailer, ils sont tout balancés dans le trailer. Et en général, quand on nous balance des grosses scènes comme ça dans le trailer, bah c'est que ça craint pour la suite du film en général. Bah, je voudrais pas dire, mais toutes les scènes qu'on voit dans le trailer, s'ils balancent tout, ça veut dire que au contraire de King of Monsters, où il y avait quand même plus de scènes que dans le trailer. T'as l'impression qu'ils balancent tout le matériel et puis quand tu vois le film, t'es un peu déçu parce que tu t'attendais à ce qu'il y ait plus. Enfin, je sais pas si t'as la même impression que moi, quoi. Moi déçu. Mais c'est des kaiju qui se tapent sur la gueule. Moi, je suis jamais déçu. Donc forcément, ça va. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça. Ils ont tout balancé la purée dans le trailer et dans les bandes annonces. Bah, ce qui fait que le film, il y a moins de consistance du coup. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai regardé ce film, j'ai trouvé que c'était très long à démarrer déjà. On voit pas Godzilla avant, je crois, une demi-heure, quelque chose comme ça. De toute façon, le film, il devrait pas s'appeler Godzilla versus Kong, mais plutôt Kong versus Godzilla. Parce que le principal principal kaiju, c'est pas du tout Godzilla dans le film. Non, c'est vrai qu'il y a un peu, il est pas secondaire, mais il est numéro 2, quoi, on va dire. De toute façon, en temps d'apparition, ouais, clairement numéro 2. Il y a un peu moins présent que dans les autres films, ça c'est clair. Même si dans le premier, il était un petit peu aussi secondaire par moment. Ah ouais, dans le premier, on voyait que des morceaux de Godzilla. Ouais, ça c'est quelque chose qui avait beaucoup fait chier entre guillemets le public, c'est que tu voyais une patte, après tu voyais une gueule, après tu voyais une queue, et il y a que à la fin où tu voyais une baston, quoi. Ouais, c'était un peu chiant, quoi. C'est vrai que ils amenaient le suspense de manière subtile, mais moi c'est pas ce que j'attendais. Moi j'attendais qu'on le voit plus que ça en fait. Moi j'attendais un effet Pacific Rim, des trucs de 100 mètres de haut qui se foutent sur la gueule, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bon, moi je repense finalement à ce film, et tu vois, je pense que tu seras d'accord, c'est le manque de consistance scénaristique des jeux. C'est-à-dire que la moindre scène, on peut la deviner 10 minutes à l'avance. Ah ben non, mais là le scénario, je crois qu'ils en avaient plus rien à foutre. Ah ouais, mais complètement là. Ah là le scénario, il y a plus. Là c'est balisé à mort, quoi, pour moi. Ouais, puis t'as des trucs malheureusement dont je peux pas parler parce qu'on est dans nos spoils. Ouais. Mais t'as des trucs, tu te dis qu'est-ce que ça fout là, quoi. Il y a des trucs à un moment ils sont là et tu te dis oui et pourquoi? Et pourquoi ta gueule, c'est le scénario, quoi. T'as pas vu cette scène complètement ridicule? C'est quand ils sont en train de se battre à Hong Kong, je crois, c'est ça. À un moment ils passent devant un immeuble, il y a encore des gens dans l'immeuble. Ils ont commencé à se battre depuis au moins un quart d'heure, quoi, tu vois. Puis même une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu vois, les gens ils commencent à. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gens-là? Ils sont pas réactifs. Non, mais c'est ça, ils ont pas le droit de quitter le boulot. Il y a le confinement oblige. Il y a le confinement. C'est ça, c'était le confinement, ils pouvaient pas bouger. Ils avaient pas l'attestation. Ils sont retournés dans le bus pour chercher une attestation. On a oublié l'attestation. Ouais, mais il y a Godzilla et Kong. Ouais, mais on s'en fout, il y a l'attestation. Ouais, mais je vais pas payer 135 euros. Donc cette scène un peu ridicule, quoi. En passant, je pense qu'au montage j'aurais pu la jarter parce que ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est pour te montrer. Et après, le maintenant, d'échelle entre les kaiju et les humains, quoi. Il faut avouer que dans ce film, sur 1h45, parce que il y a bien 7 minutes de générique de fin. Ouais. Il y a même pas de scène post-générique en plus. T'as 3 combats, mais c'est court. C'est limite pas moins bien filmé que les autres en plus, je trouve. Et puis c'est décevant, moi je trouve que c'est décevant dans l'ensemble. C'est pas ton avis, je te laisse t'exprimer à ce sujet-là d'ailleurs. Non, moi les combats ils m'ont éclaté parce que ça fait Super Sentai, donc j'ai bien aimé. Ouais, mais t'as aimé que les combats. Ah ouais, les combats, ouais, je comprends. T'as aimé que quasiment 40 minutes du film, quoi. Non, 20-25 minutes. Hein. Pas plus. Donc toi, tu reverras avec plaisir toutes les scènes de baston, mais t'évacueras toute la partie humaine qui n'a aucun intérêt, quoi. Quand on pourra avoir le film en support, ouais, je vais me refaire une version remasterisé Teddy, c'est-à-dire que je vais garder que les scènes de combat, un peu comme j'ai fait King of Monsters. Ouais, ouais. Enfin, tout le reste, j'en ai rien à foutre. Hein. À la rigueur, tu mettrais toutes les scènes de Godzilla et de Kong ensemble, t'aurais un film de 2 heures, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça fait une espèce de compilation, quoi. Ouais, je fais le rapport des 3 films, et puis, je fais une petite coupe, et puis voilà, quoi, pas de problème. Puis ça passe bien, quoi. Ouais, ça passera mieux. Ouais. Dès qu'il y a un humain, je le coupe. parce que là, la partie humaine, que ce soit, parce qu'on on va placer un petit peu l'humanité, bon, qui n'a aucun intérêt dans ce film une fois de plus. Mais t'as la partie humaine où t'es divisé entre la partie où il y a tous les soutiens de Kong. Ils essayent, il y a le blond, il y a le savon blond, il y a la petite fille, sa mère, donc ils sont à trois de ce côté-là. Sa mère adoptive, ouais. Ouais. Et puis d'un autre côté, t'as les trois jeunes, les trois geeks entre guillemets, qui pénètrent dans le laboratoire secret là, qui développe. Bah attends, va pas, tu vas dans les spoils. Non mais bon, là, t'as deux équipes. On voit quand même qu'il y a un laboratoire secret au bout d'une demi-heure. Ouais, quoi. Puis t'as deux équipes, dont des scientifiques d'un côté et des ados de l'autre, quoi. Donc t'en as des scientifiques, tu te dis ouais bah ça c'est crédible. Puis après t'as les ados, tu te dis bah foutez-vous de notre gueule, quoi. Non mais ils passent quand même tous les normes de sécurité, les doigts dans le nez, hein, faut le dire quand même. Ah bah ça c'est le scénario, hein. C'est, on doit faire cette scène-là, comment on fait? Bon, t'inquiète, on va gérer. Ta gueule, c'est magique, quoi. Ah, c'est quasiment au pif, quoi. Ah ouais, non, mais moi, ouais, bah, tu dis, comme il y a une grosse société, ils dépensent tout dans, on va dire, dans le côté militaire, alors, mais avec des grosses parenthèses, ouais, ouais. Mais le côté de la sécurité, il n'y a plus le budget, tout le monde passe. Est-ce que tu dirais, cette expression qui est très chère à notre cœur, que c'est écrit avec le cul? Bah, je sais même pas si c'est écrit, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont demandé à Billy, 6 ans, bon, fais-nous un scénario Kong contre Godzilla. Eh ben, Godzilla, il y a la bagarre avec Kong, et puis, il y a un agent qui arrive. T'as l'impression que c'est ça, tu sais. T'as l'impression qu'il y a un gamin qui est en train de te raconter une histoire, et puis tout d'un coup, tu dis, ouais, mais comment ils sont arrivés là? Je sais pas. Ça tombe bien, eux non plus, ils savent pas. Bon, cette partie Veyman, j'ai pas envie d'explorer parce qu'elle est pas intéressante, elle est caricaturale, puis bon, l'image des geeks, c'est encore une fois du stéréotype pour moi. Encore stéréotype. Ouais. Toujours stéréotype. T'as le noir qui arrête pas de plaisanter, moi, il m'a rappelé un personnage assez irritant de Transformers, par exemple. D'ailleurs, on parle de Transformers tout à l'heure. Ouais. Par contre, au niveau des effets spéciaux, c'est vrai que visuellement, ça claque, quoi, une fois de plus. Ouais, ça se voit que les sociétés qui ont fait les effets spéciaux sont pas confinées parce qu'il y a du boulot derrière quand même. Ouais, c'est sûr. Bah, que ce soit l'arrivée de Godzilla sous l'eau par exemple. Parce qu'il y a pas que les combats, moi, que je trouve que ouais, sont fabuleux. Ou même Kong sur son île ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, quand il rase la ville par exemple, là, il rase l'usine, c'est apocalyptique. Il y a des beaux tableaux, il y a des beaux plans, on sent que c'est fait avec un certain savoir-faire, quoi, tu vois. C'est ça que je privilégie. Et aussi, tu parles de l'histoire de Kong, c'est vrai que Kong, c'est un personnage qui est fort attachant finalement, hein, quand tu le vois à l'écran. Ouais, il me fait penser au film Rampage, le ouais. Singe qu'il y a dans Rampage, plus comment il s'appelle, mais enfin bon. Le singe blanc, là. Ouais, qui est avec ouais. Dwayne Johnson. Enfin, ouais. Le singe, Dwayne Johnson et le singe blanc. Oh putain, j'espère que je croise jamais, je vais exploser la gueule. Tu vas prendre un gros coup de boule, toi, tu vois. Tu m'enlèves pas. Hein. Dwayne Johnson en face de moi, je me fais dessus, hein. Je te le dis. Et en fait, ça me fait penser donc à, je sais peut-être pas George ou quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'humaniser au maximum Kong. Ah ouais, carrément. Et même par le biais, c'est que maintenant, il arrive aussi à comprendre le langage des signes. Ah, faut pas dire, c'est dans la partie spoil. Bon, on le voit dans le trailer, hein, faut pas déconner. Tout ce que je vois dans le trailer, pour moi, c'est pas du spoil. Voilà, donc il communique, il arrive quand même à se faire comprendre avec la gamine et tout. Donc, ce côté-là, j'étais un peu mièvre, certes, mais j'ai bien aimé. Je trouve que ça relevait un petit peu le niveau par moment. Je vais dire qu'il y a une espèce de connexion un peu mystique entre la gamine et le Kong, quoi. Une connexion mystique qui était présente entre certains kaijus et des êtres mystiques, justement, dans les Godzilla japonais, donc dans l'ère Toho. Mm. Et là, je sais pas s'ils ont voulu faire un hommage ou c'est parce qu'il fallait aider le scénar aussi. Hein, parce que, ouais. Moment, ouais, là, j'ai retrouvé un peu cet aspect-là aussi. Ouais. Toi qui connais un petit peu mieux le monster le Godzilla-verse que moi, bon, à part par King César. Il n'y a pas de référence à King César. Par contre, bon, en spoiler, je pense qu'on pourra parler de fin de service, hein, clairement. Ah oui, ouais. oui, là c'est. Bon, en général, le kaiju verse, on va dire, c'est laisser passer le fin de service. Hein. Que ce soit dans Pacific Rim, les films Godzilla ou je sais pas, un film de Super Sentai ou un truc comme ça, c'est ouais. Laisser passer le fin de service. Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter? Parce que moi je pense que j'ai fait le tour au niveau. Bon, moi je pense qu'il vaut le coup d'être regardé, mais ouais. Je sais pas s'il vaut spécialement le coup d'aller dépenser une vingtaine d'euros au cinéma pour aller le voir. Ouais, parce qu'on va parler de la sortie cinéma, parce que nous on l'a vu sur HBO Max avec un LOL. VPN. LOL. D'ailleurs NordVPN, hein, on peut sponsoriser. Hein, il y aura pas beaucoup d'impact. Donc il est prévu une sortie le 19 mai 2021. Donc le 19 mai c'est dans 2 mois. Vu la situation, comment que ça avance, je doute qu'il y ait un film qui sorte avant septembre octobre et encore. Attends, je crois que même Kaamelott, il est prévu à juillet. Il a été repoussé. À mon avis, il est repoussé. À mon avis, ça pue. Hein. C'est comme l'histoire de. On va faire une parenthèse sur Disney Plus, tu sais. Oh là, ça va gueuler, je vous le dis. Parce que Disney Plus, bon, il veut sortir Black Widow en le 9 juillet, d'après ce que je me souviens bien. Mais il veut faire une sortie en simultané sur Disney Plus. Ouais, mais c'est pas gratos aussi. Ouais. Donc tu paieras ton abonnement, comme ils avaient fait pour Mulan, mais il faudra débourser 30 euros derrière, quoi. Ouais. Ça plaît une double peinée dans le milieu. Ça fait un peu mal, quoi. Ouais, ça fait mal au cul. Ouais, tu te fais enculer deux fois. Ouais. Oh putain. Je vais peut-être l'enlever pour pas perdre le Peggy sur YouTube. Parce que si YouTube, le robot YouTube, il détecte le mot que t'as dit, on est mal, quoi. Non, mais je veux dire, ça fait mal, quoi, on va dire. Bah, c'est dégueulasse. Tu payes déjà un abonnement et tu repayes pour avoir accès à un film que, en plus, il risque de pouvoir être spécialement attendu. Il sort attendu, pas de spécial, je sais pas non plus, le film qui est attendu par tout le monde, quoi. Parce que Mulan, bon, je l'ai pas vu, mais d'après les critiques, que j'en ai entendu, ouais, il paraît que c'est pas bon. Et Black Widow, je sais pas, mais c'est pas non plus le film que les fans de Marvel, ils attendent, hein. Bah, quand t'étais encore dans la hype de Endgame, ouais. Pourquoi pas? Ouais, mais là, le truc, il s'est envolé. Maintenant, c'est les séries. Ouais. En plus, les films qui vont sortir de Marvel, putain, on est complètement hors sujet, mais c'est pas grave. C'est habituel chez nous. Pour une fois, on n'est pas hors sujet Star Wars. Tiens, on va parler de Star Wars, parce que moi, ça me manque. Là, on parlait des films de Marvel. Ouais, Black Widow. Après, il y aura Eternals. Donc c'est pas une licence qui est très connue non plus. Ah ouais. Ouais. Ah, ça va être comme Inhumans, hein. Je vois le même truc arriver. Hein. À la rigueur, il y a plus de moyens pour Eternals, hein, quand même, parce que c'est vraiment fauché. Hein, ouais, parce Inhumans. Que s'ils font comme Inhumans, ils mettent tout dans le premier effet de synthèse, après ils ont plus rien pour la saison. Ouais. Pour le Clébar, quoi, tu vois, le Clébar qui se téléporte. Le Clébar et les cheveux de Médusa. C'est moche. Par rapport aux séries où là, on te présente des personnages secondaires du MCU, comme Wanda ou Vision ou Hawkeye, ou là il y a Falcon ou Winter Soldier, par exemple. Il y a aussi Loki qui doit arriver là cette année. Il y a plein de séries ils font du MCU, des spin-offs, mais en série. Donc là, les séries vont attirer plus de monde que des films comme Eternals, par exemple, tu vois. Ouais, puis les séries, il y a plus de. Enfin, ils ont compris que le public pour les séries depuis Mandalorian, hein, pour faire un détour sur Star Wars, que pour quand il y avait des spin-offs qui valaient le coup, les gens allaient regarder, quoi. Ouais. Donc du coup, ils tentent leur coup sur des séries. Ben, c'est vrai qu'en même temps, Marvel, on va dire au niveau des séries, à part le bide des Inhumans ou des Runaways, il y a pas grand-chose qui est sorti dans le Marvel. Donc c'est-à-dire que là, ils tapent sur des seconds rôles, mais quand même valeurs sûres des films pour qu'on suive la saga, en fait, pour continuer à suivre leur saga. Oui, parce que, bon, t'en parleras je pense, dans une prochaine émission de WandaVision, et tu pourras nous préciser si vraiment ça suit la continuité d'Avengers Endgame. Si c'est pas un pont aussi, parce qu'apparemment, à WandaVision, c'était un pont aussi vers Doctor Strange and the Multiverse of Madness, tu sais. J'en parlerai plus en détail dans un prochain podcast WandaVision, mais non, ça sert, ça me fait penser à une scène post-crédit, mais de 10 épisodes, d'accord. Voilà, donc, on va fermer la parenthèse, on va revenir sur le MCU plus tard, mais on va fermer la parenthèse MCU, puis on va revenir sur Godzilla avec une partie, moi j'ai pas donné mon avis. Moi je me suis un peu fait chier ce film, j'avoue. Comme t'as dit, il y a la dernière baston qui m'intéressait, mais le reste, j'ai trouvé ça quand même assez mauvais. Les passages avec les humains, moi ça m'a... Déjà dans les précédents, j'avais pas trop aimé. Et là, c'est encore pire parce que tu montes dans les stéréotypes encore une fois de plus. De toute façon, les seuls passages avec les humains qui sont intéressants dans ce film, tu mets intéressant avec des guillemets, c'est la petite et Kong. L'interaction. C'est l'interaction entre les deux. C'est le seul truc qui est intéressant. Donc voilà quoi. Teddy, je vais dire, il est plus positif que moi. Moi, je suis vraiment mitigé. Je vais dire plus que mitigé. Après, moi, je suis un fanboy des Kaiju. Toi, t'es un peu vendu, toi. Ouais, voilà. Donc forcément, je vais dire, toi, t'es vendu. Parti pris, hein, t'as vendu Godzillaverse, moi je suis vendu Star Wars, quoi, tu vois ce que je veux dire. Les fanboys se reconnaissent, quoi. Même Shin Godzilla, je peux vous le conseiller, pour vous dire. Faut pas m'écouter mon avis sur Godzilla. Il est pas bon, non, faut pas exagérer, c'est pas bon, ça. Voilà, donc on passe en partie spoiler, si tu veux bien, et on va aborder déjà un premier sujet, c'est le sujet de la Terre creuse. Alors qu'est-ce que t'en as pensé d'exploiter ce mythe de la Terre creuse ils emploient deux mythes, le mythe de la Terre creuse et le mythe du scénario creux aussi. C'est-à-dire qu'ils savent pas trop où te coller, en fait, un nouveau écosystème de kaiju, parce que la planète, elle est explorée, hein. Donc, du coup, ils se sont dit, c'est pas grave, s'il y a plus de place, entre guillemets, sur la Terre, c'est pas grave, on va dire qu'il y a une Terre creuse. Ouais, mais la Terre creuse, c'était aussi un motif scénaristique léger, enfin, on va dire, facilité scénaristique, pour aller chercher la fameuse hache, le Stormbringer. Le Stormbringer. Entre guillemets, ouais. Le Stormbringer de Kong, pour qu'il puisse se battre avec le gros lézard, quoi. Ouais, puis pour te montrer que Kong, il a sa place là. Parce que, en fait, leur but c'est tant pis, hein, je saute un peu du coq à l'âne. Ouais. Mais leur but c'est que Kong il soit plus sur Skull Island pour pas faire un Godzilla versus Kong numéro 2. Ouais. Comme ça bah voilà, tu le mets dans la terre creuse et puis t'en parles plus jamais de Kong quoi. Parce que c'est la fin ça, hein, mais ça c'est la fin malheureusement. En fait moi ce que j'ai pas compris c'est pourquoi King Kong. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment King Kong, parce que j'ai l'impression qu'il est encore jeune dans cet épisode là. Bah déjà les statues de Kong sont plus grandes que lui. Ouais. Les statues donc dans la terre creuse sont plus grandes que lui. Ouais, parce qu'il arrive un moment dans une espèce d'enceinte. Ouais. Bon, tu sais pas par quel biais il arrive par là, parce que apparemment il sait où il va, mais on te donne pas d'indice comme ça. Ouais, ils disent que c'est la... Attends, putain, ils t'ont trouvé un truc à la con, mais genre, c'est quasiment de la mémoire génétique, comme les baleines qui parcourent des millions de kilomètres. Voilà, dans les attends, allez, je m'en rappelle plus, mais c'est de la mémoire électromagnétique ou un truc dans le genre. D'accord, c'est un appel, quoi. Bon, c'est ta gueule, c'est la science, hein. Voilà, ta gueule, c'est magique, quoi. Ouais, on va dire ta gueule, c'est magique. Là, c'est pas ta gueule, c'est magique, c'est vraiment ta gueule, c'est la science, parce que c'est plein de trucs comme ça, et comment ils volent ton vaisseau super qui peut résister à l'inversion de pression. Bah, il marche, c'est tout, ferme ta gueule. Ah. Et comment ça marche les trucs par sustentation c'est magnétique? C'est bah ta gueule, ça marche. Ah. T'as l'espèce de bimbo là, au moment qui arrive, c'est la fille du président d'Apex. Non, c'est quota féminin numéro 2. Ouais. Donc t'as la fille sexy qui arrive et tout, et que finalement bah ouais, c'est une grande méchante, hein. Puis on l'avait vu derrière. On l'a vu de toute façon, elle a pas masqué le fait qu'elle était arrogante et tout, donc elle est bien dans le stéréotype pour Blockbuster quoi. Bah de toute façon, là les méchants, c'est des méchants, hein. Ah ouais, complètement. Bah, c'est marqué sur leur gueule. Il y a aucune nuance quoi. C'est complètement marqué sur leur gueule. Le mec, t'as aucune nuance quoi. Et t'as l'impression que c'est des Power Rangers les mecs. Ouais. Hein. C'est-à-dire je suis méchant. Bah tu dis ouais, d'accord, OK. Je parle du président. Ouais, du président d'Apex, c'est même ouais. Serizawa. Hein. Ouais, ouais. Je suis mystérieux, le japonais mystérieux méchant. Il faut toi de ma gueule, quoi. Ouais, là, tu dis, bon, ben, Power Rangers, ce truc. Ouais, bah, c'est fait pour, je dirais, mais ils apportent pas de nuance du tout. C'est-à-dire que on sait où ils vont, quoi. Ah, exactement. On sait ce qu'ils veulent. Pas de surprise, pas de subtilité. Ils sont prêts à lâcher quand il y a la catastrophe, là, avec Kong, quand ils sont dans le temple. J'appelle ça le temple. T'as tous les bestioles. Ouais, même ça, tu le vois arriver. Ouais, tu le vois arriver de loin. Tu vois un petit MacGuffin qui te montre les bestioles 3 secondes. Ouais. Et tu te dis, bon, alors, tous les héros, ça va, eux, ils vont être par là, c'est bon, ça va aller. Et tu dis, tous les méchants, ils vont soit se faire bouffer ou un truc comme c'est ça. C'est ça. Et ça rate pas, hein. Et le méchant, je te jure, j'ai dit, je suis sûr que c'est Kong qui va écraser son vaisseau. Ah ouais. Elle le prend. Non! Boum! Il écrase. Ouais, il regarde dedans, il jette un œil, il fait, bon, y a pas la petite fille. Canette de coca. C'est vrai, en plus, y a pas la gamine, hop. Et tu pourras remarquer qu'il se fait pas électrocuter quand il détruit. Y a aucun respect pour la vie humaine, Kong. Tu pourras remarquer qu'il se fait même pas électrocuter quand il détruit le vaisseau. Ça t'a pas, moi ça m'a choqué. Bah, Alors qu'il ressuscite à coup d'électrocution avec le vaisseau après, quoi. Ouais, bon, bah. Ouais, bah on va avancer un petit peu dans la intrigue, parce que là, tu crois que t'as pris un peu d'avance sur ce que je voulais dire, mais bon. Mais on est dans la terre creuse. Le but, caché, on avait compris depuis longtemps, c'est de récupérer une source d'énergie qui est capable d'alimenter une espèce de dinobot. Ouais, puis le machin, je veux dire, on t'explique qu'il faut récupérer l'énergie. Donc ils arrivent, ils creusent dans le machin pour récupérer un échantillon d'énergie, t'es d'accord? Ouais. Ils arrivent jamais en surface. Comment ils l'ont l'énergie? Bah non, il y a eu un transfert, souviens-toi. Ouais, mais ça a transféré de mes couilles, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont arrivé en bas dans la terre creuse, ils ont creusé un truc pour ramener l'échantillon qui est jamais arrivé parce que Kong il a explosé le vaisseau comme une canette. Mais ils ont pas Mais ils ont quand même l'énergie. Ils ont pas d'échantillon vu que ils ont analysé la substance, ils l'ont mis dans un ordinateur et ils l'ont transmis. C'est pour ça que enfin moi j'ai compris comme ça hein. Maintenant tu peux je l'ai pas compris ça. Faudrait que tu regardes la scène, mais ils l'ont analysé l'échantillon, ils l'ont converti en numérique, et puis ils l'ont expédié à Apex, pour qu'ils puissent l'installer dans Mechagodzilla. Maintenant, on va dire le nom. Ah hein. Bah ouais. Je parlais de Dinobot, mais c'est ça, pour c'est moi. C'est un Dinobot. Hein. Ah, c'est un Dinobot, hein. Avec les écailles et tout, hein. C'est, il manque plus que Optimus Prime, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, y a un moment, je te jure, quand je voyais ce machin se mettre en route, là, j'avais l'impression d'entendre la musique de Pacific Rim dans ma tête. Ouais. Je peux pas le mettre sur YouTube, c'est Attention, parce que si tu le chantes, on va te traqué. Mais bon, ouais, puis bon, ils éveillent le Dinobot, et là, tu vois arriver le truc, mais de loin, ça va merder, ils vont devoir s'allier à deux pour le combattre. Ouais, exactement. Ça, c'est obligé. Là, tu le vois arriver, mais à des kilomètres. C'est un truc de super-héros, ça, ils se battent l'un contre l'autre, parce qu'ils veulent qu'il y ait une espèce que... Un seul mâle alpha. Godzilla, il veut être le dominant dans cette histoire. Il épargne quand même Kong, mais l'autre, il est quand même bien amoché, on va dire. Hein, bon, bah, il l'a quasiment liquidé, non la mort, quoi. Dans le premier combat Hong Kong, il l'a quasiment liquidé. Donc voilà, quoi. Et puis après, il y a Godzilla, mais il se bat contre le Dinobot. Moi, j'aime bien le Dinobot. Et puis, il s'en prend pas la gueule, parce que l'autre, il est fort, quoi. Donc du coup, la petite fille, elle fait comprendre à notre ami Kong que c'est pas Godzilla l'ennemi, c'est l'autre. Donc l'autre, il comprend, et puis hop, ils se mettent à deux. Pour moi, c'est le plus beau combat du film. Voilà, quoi. T'as pas l'air emballé, quoi, mais bon. Bon, non, ça, c'est le prétexte à combat. Moi, c'est le combat, j'ai bien aimé. Ça, c'est le combat lui-même, toi, ouais. Mais, vous dire, même les bagarres avec d'autres kaiju qui sont dans la terre creuse, c'était marrant. C'est juste que Kong, c'est un peu l'air d'être une quiche parce qu'à chaque fois, il se fait aider par les humains, quoi. Bah, quelque part, ouais, il est toujours obligé d'avoir une assistance, quoi. Bah, je veux dire, sur le bateau, les autres, ils doivent quand même envoyer des grenades sous l'eau pour déstabiliser Godzilla. Alors, non, j'ai vu complètement ridicule, c'est avec les avions qui balancent des missiles sur Godzilla. Puis, ils ont pas compris que ça a aucun effet. Bah, Kong, lui, il va mieux, il joue aux fléchettes avec les avions. C'est, il attrape un avion et il le balance sur Godzilla. Je balance tout. Non, mais c'est complètement ridicule. Ils sont avec leur petit missile. Ça fait quand même trois, on va dire, deux films. Ils ont pas compris que leur missile, ça fait rien du tout sur la carcasse. Ça reste un film. Par contre, j'adore les plans à la dent de la mer, là, tu sais, avec les écailles qui sortent de l'eau, puis on voit qu'il s'approche du porte-avions et là il te cisaille le truc en deux, c'est excellent, quoi. Il y a des plans comme ça qui s'échappent, quoi. Après, c'est des plans qui sont faits pour ça, pour te montrer que malgré les 3 ans que Godzilla a laissé passer avant de refoutre un peu le bordel, alors que c'est pas lui qui fout le bordel, c'est pour te montrer que l'humain c'est toujours rien par rapport à une force de la nature. Non, pas du tout. Mais en fait, lui il s'est réveillé parce qu'il a senti qu'il y avait un danger, quoi, quelque part. Bah, il a senti, on va dire, l'entité spirituelle de King Ghidra. Ouais, ça il faut en parler de. Ça c'est compliqué. Là, les psioniques, ils disent. Là, il faut se. Excuse-moi, je te coupe. Ah, pour changer. Non, mais c'est parce qu'il faut raccrocher les wagons par rapport à la scène post-crédit du 2. Où là, ils avaient gardé la tête de Ghidorah. Et en fait, on retrouve cette tête. Mais il y a encore des émissions, en fait, de. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a encore des. C'est ce que t'as compris aussi, en fait. Hein, c'est que Ghidorah, il a pris la possession de Mechagodzilla, pour moi. C'est pas vraiment expliqué. C'est juste qu'apparemment, King Ghidra, il communiquait entre ces trois têtes. Par télépathie. Ouais. Et par le trou de mon cul, maintenant, le King Ghidra, il a repris possession de la télépathie de Mechagodzilla. Ouais, mais quel rapport? Moi, je peux comprendre que tu puisses contrôler un être vivant, un autre être vivant, mais pas un être mécanique. Bah, moi, je réagis comme ça. Hein. Peut-être que je me creuse la tête à pas grand chose, quoi, finalement. Mais, ouais, parce que c'est que du prétexte scénaristique. Hein. C'est tellement écrit avec le cul que. C'est du Power Rangers, hein, quand le monstre y apparaît, tu te dis pas pourquoi la voiture, elle s'emboîte avec le train. Hein, parce que. Tu te dis, ouais, un monstre et un kaiju et un Jaguar qui se battent. Toujours est-il que, que ce crâne-là, apparemment, il y a le japonais, là. C'est Rizawa. Bon, il se connecte, lui, on voit ses yeux qui se retournent et tout, qui deviennent blancs. Et puis, bien évidemment, Ghidorah, il a une puissance mentale qui est quand même supérieure à un petit être humain, faut avouer. Donc l'autre, il se prend une décharge et puis ouais, quoi. Pour te montrer qu'il y a le trop-plein d'énergie, du coup, entre guillemets, mais Mechagodzilla, il prend sa liberté. Les deux bastons, c'est Hong Kong, quoi, à chaque fois. T'as la baston sur le porte-avions, que quand il y a Kong et Godzilla. On va pas compter les bastons en terre creuse. Ouais. Donc sur le porte-avions, c'est direction la terre creuse justement pour changer d'habitat à Kong et son habitat est devenu trop petit. Donc il faut rappeler quand même que eux ils ont localisé l'ouverture par leur en Antarctique, hein, c'est ça. Voilà, un accès direct à la terre creuse par l'Antarctique. Ah oui, là c'est vraiment l'accès direct. Hein. Ah oui, c'est l'accès direct. Il y a pas de bouclier, rien. Non, rien. Ouais. T'ouvres un, j'allais dire un ton garage. Le portail. Et au fond du garage, c'est la terre creuse. Ouais. Puis on te dit bien qu'il y a une inversion. L'inversion des pôles. L'inversion de la gravité, que du coup ça écraserait n'importe quoi, sauf ces trois vaisseaux machin. Puis après, dans le truc, ils disent Kong il va pas être écrasé. Il fait non, ça devrait aller. D'accord. Ça veut dire que t'en as rien à foutre, quoi. Et après, quand il remonte, il y a plus d'inversion de polarité ou je sais pas quoi. Mais ça va super vite quand il remonte dans la ville en fait. Ah ouais, il remonte dans la ville. Et Godzilla, il a juste à grimper le truc. Godzilla est plus efficace pour creuser un tunnel. Hein. Par contre, l'autre, Godzilla, il fait puis avec son souffle, il arrive à creuser au fond du truc. Ouais, et puis il n'y a plus d'inversion de gravité, il n'y a plus d'inversion de pôle, c'est il n'y a plus de. Je cherche aussi le truc quantique pour en parler, quoi, mais le fait que les gravités, elles se mélangent tout. En gros, on te met un truc, c'est la Terre creuse, il y a une inversion de la gravité, pour y aller, ils font un truc colossal parce que sinon t'es écrabouillé, et d'un coup, il n'y a plus. C'est ça que ça va pas non plus, ça. J'avais pas compris comme ça, mais je savais qu'il y avait une bizarrerie, tu vois. C'est ça le truc. Mais on va de facilité scénaristique en pire, de pire en pire, quoi, là-dedans. Mais heureusement qu'il y a quelques combats pour rythmer le tout, parce que ça sera vraiment nul à chier. Bah, je crois qu'on a fait le tour des spoilers. Est-ce qu'il y a autre chose que du fanservice côté... Bon, il y a un peu la relation entre un titan et une humaine, ouais, qui se fait sur la confiance, ou je sais pas, ce que tu veux, ou l'enfance, ou la l'osmose, pouvoir. Plutôt une osmose, ouais. Ouais, où ils se comprennent l'un l'autre, ou ouais, je sais pas. Et en fait, pour montrer humaniser Kong, comme tu disais tout à l'heure, c'est que maintenant, il parle le langage des signes, et puis que du coup, elle arrive à lui donner des ordres, à lui donner des conseils. À l'influencer, quoi. Ouais. À l'influencer. Mmh. Donc, va à la Terre Creuse, tu trouveras ta famille. Alors, à un moment, à la fin, il dit, c'est bon, je suis à la maison. Enfin bon, ta famille est quand même morte, mec. Mais bon, c'est pas grave. T'es quand même le seul sur Terre de ton espèce, hein. C'est vrai qu'ils sont à la Terre Creuse à la fin. Et ils ont pas de combinaison, rien, pas de problème, quoi. Non, mais non, moi, je pensais que là où ils vivaient les kaiju, on nous avait bien expliqué que c'était ultra radioactif, ce qui les faisait d'ailleurs pousser. Et là, les humains, ils peuvent vivre dans la radioactivité maintenant. Et Godzilla, il te balance un souffle atomique, t'es à 2 cm. Parce que mec, quand le labo il se fait attaquer, il se fait sauver par le souffle atomique, ouais, qui lui passe à 1 mètre de sa gueule. Pas de radiation, pas de retombées, rien. Bah, c'est comme dans le 2, hein, toutes les explosions nucléaires qu'il y a sur la Terre, là, qui auraient dû faire péter la planète d'ailleurs, entre nous. Bah, y a pas de retombées, hein. Bah, même quand la ville elle fond à cause du truc, ce qu'ils appellent la fièvre nucléaire, hein. Ouais. Y a pas de retombées non plus. Ouais, quand on vous dit que c'est pas dangereux le nucléaire, faut nous croire, hein. Que c'est écologique comme énergie. Bah ouais, à la Terre. Donc voilà quoi. Ouais, donc c'est Terre Creuse et tout ça. Et puis moi, ça m'a fait penser, tu sais, le passage de... Parce qu'à un moment, Kong, il tombe dans le trou, donc il arrive à la Terre Creuse, mais il passe une espèce de barrière. Ça t'a fait pas penser à Pacific Rim, ça, quand ils arrivent dans le truc des extraterrestres. Pas à ce point-là. Moi, ça me fait penser à Stargate, mais pas à Pacific Rim. Ah oui, c'est vrai, il y a l'espèce de truc à la 2001, là. Bah ouais. Non, ça m'a fait penser à vraiment une facilité pour... il tombe dans le trou et chip, puis après il retombe encore et puis... Ouais, non, pour le coup, je pense qu'on peut s'arrêter. Donc, en gros, comme je te disais, le truc c'est que maintenant, Kong, il a une nouvelle maison qui est dans la Terre Creuse. Bah, apparemment, ça doit être dur d'y aller et d'en revenir, et c'est pour te dire que maintenant, Kong, c'est réglé, problème réglé, ce sera plus que des films Godzilla. Ouais, c'est fermé, quoi. Du coup, ils se sont aussi fermé la porte pour un Godzilla versus Mecha Godzilla, vu qu'il y en a plus. Ils l'ont déjà utilisé. Oh, t'inquiète pas, ils vont faire un coup de contrôle Z. Parce que la prochaine fois, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, King César? Non, ou Godzilla contre, le Megazord. En termes de mythologie, à part Biollante peut-être, mais... Biollante, c'était quand même mieux, parce que c'est vraiment une humaine qui devient kaiju, entre plante, kaiju et humaine. Et il y avait vraiment une belle histoire de compréhension derrière, parce que Godzilla gagne pas contre Biollante. En plus. C'est Biollante qui arrive à se raisonner et à se dire, allez, j'ai foutu assez le bordel, je dégale. Mais puis maintenant, c'est vrai que quand tu vois quand même le fanservice qui explose dans King of Monsters, où tu vois par exemple, l'araignée géante, hein, je sais plus son nom, mais... Komunga. Non, c'est pas Komunga. C'est un autre truc. Il y a Komunga, mais je crois qu'il est renommé dans le nouveau. Ouais, en tout cas, pour moi, il y a Rodan. Rodan, ils peuvent plus non plus l'exploiter, vu qu'il s'est soumis. Ouais, donc après, t'as des Behemoth ou des trucs comme ça. Ouais, Behemoth, ouais. Le singe Mammouth, là. Le Mammouth. Bon, il y a toute une mythologie, mais ce sont des monstres qui sont moins connus, quand même, dans les prochains films, pour moi. Ah, je veux dire, c'est Godzilla, quand même, le mal alpha, et les autres monstres sont même pas venus lui donner un coup de main pour battre un deuxième mal alpha. Oui, c'est vrai, ils sont partis où, les autres? Bah, ils sont plus là. Hein. C'est un peu comme dans Avengers, quand t'as une menace mondiale, un peu comme dans Winter Soldier, tu sais, que Captain America se retrouve quand même contre l'Hydra, qui a comme une puissance de feu qui est assez conséquente, et les autres interviennent pas, quoi, tu vois ce que je veux dire? Non, ils sont occupés. Ouais. Comme dans WandaVision, où il y a jamais Doctor Strange qui arrive. Non, non plus, mais bon. Moi, j'en reparlerai. C'est un peu le problème de l'univers partagé, on va dire, hein, quelque part. Bon, je vais pas énumérer tous les monstres, mais bon, il y en a un paquet. Il y a Anguirus, par exemple, tu vois, Baragon, Gigan, Jaguar, Megalon, King César, ils en parlent aussi. C'est Jet Jaguar, c'est pas Jaguar. Quoi qu'il y a Super Mecha Godzilla, et peut-être que celui-là, il pourrait peut-être le réitérer. Il y a Destroya aussi, Edora, Mega Gyrus, Varan, Zilla. Zilla, c'est la version de Emmerich. Ouais, Zilla, c'est la version d'Emmerich. Ouais. Il l'écrase en 2 secondes dans Godzilla Final War. Il y a de quoi faire quand même, hein, mais va falloir explorer le multiverse, j'allais dire. Le Monsterverse. Un petit mot de conclusion pour dire que une nouveauté, ça fait du bien, mais mitigé. C'est un film à la Pacific Rim. Vous pouvez aller le voir pour vous détendre un peu. Mais vous avez entendu dans le débat, cherchez pas de la cohérence, vous allez pas en trouver. Ouais, c'est ça. C'est ça le message global du film, et c'est comme ça qu'on va conclure notre intervention sur Godzilla vs Kong.